Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. Premier épisode. Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établir une œuvre Sainte-Geneviève entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la Maison Vauquer, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi, depuis 30 ans, ne s'y était-il jamais vu de jeunes personnes? Et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension? Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot « drame » par la manière abusive et tortionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé quelques larmes intramuros et extra. Sera-t-elle comprise au-delà de Paris ? Le doute est permis. Les particularités de cette scène, pleine d'observations et de couleurs locales, ne peuvent être appréciées qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs de boue, vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses et si terriblement agitées qu'il faut je ne sais quoi d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant, il s'y rencontre çà et là des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et solennelles. À leur aspect, les égoïsmes, les intérêts s'arrêtent et s'apitoient. Mais l'impression qu'ils en reçoivent est comme un fruit savoureux promptement dévoré. Ainsi ferez-vous, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant « peut-être ceci va-t-il m'amuser ». Après avoir entendu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah, sachez-le, ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur, peut-être. La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Madame Vauquer. Elle est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète, par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Nul quartier de Paris n'est plus horrible, ni, disons-le, plus inconnu. La façade de la pension donne sur un jardinet devant lequel est une allée sablée bordée de géraniums, de lauriers roses. On entre dans cette allée par une porte bâtarde surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Maison Vauquer » et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ». Naturellement destinée à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les deux croisées de la rue. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier. Rien n'est plus triste à voir que ce salon. Il exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Il sent le renfermé, le moisi, le rance. Il donne froid, il est humide au nez, il pénètre les vêtements. Il pue le service, l'office, l'hospice. Eh bien, malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme doit l'être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, est plaquée de buffets gluants, sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Enfin, là règne la misère sans poésie. Une misère économe, concentrée, râpée. Si elle n'a ni trou ni haillon, elle va tomber en pourriture. Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers 7 heures du matin, Madame Vauquer se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis, sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur et dont Madame Vauquer respire l'air chaudement fétide sans en être écœurée. Sylvie ? Toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie, comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital. Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ 50 ans, Madame Vauquer ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l'œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher. Néanmoins, elle est bonne femme, au fond, disent les pensionnaires, qui la croient sans fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Bien, madame. En entendant trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière, s'empresse de servir le déjeuner des pensionnaires internes. À l'époque où cette histoire commence, les internes étaient au nombre de 7. Le premier étage contenait les 2 meilleurs appartements de la maison. Madame Vauquer habitait le moins considérable et l'autre appartenait à Madame Couture, veuve d'un commissaire ordonnateur de la République française. Elle avait avec elle une très jeune personne nommée Victorine Taillefer, à qui elle servait de mère. Les 2 appartements du second étaient occupés l'un par un vieillard nommé Poiret, l'autre par un homme âgé d'environ 40 ans qui portait une perruque noire, se teignait les favoris, se disait ancien négociant et s'appelait Monsieur Vautrin. Je connais leur primousse. Le troisième étage se composait de 4 chambres, dont 2 étaient louées, l'une par une vieille fille nommée Mademoiselle Michonneau, l'autre par un ancien fabricant de vermicelle, de pâtes d'Italie et d'amidon qui se laissait nommer le Père Goriot. Merci. Les 2 autres chambres étaient destinées aux oiseaux de passage, à ces infortunés étudiants qui, comme le Père Goriot et Mademoiselle Michonneau, ne pouvaient mettre que 45 francs par mois à leur nourriture et à leur logement. En ce moment, l'une de ces 2 chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême à Paris pour y faire son droit, et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus dures privations afin de lui envoyer 1200 francs par an. Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études et les adaptant par avance aux mouvements futurs de la société pour être les premiers à la pressurer. Au-dessus de ce troisième étage étaient 2 mansardes où couchait un garçon de peine nommé Christophe et la grosse Sylvie, la cuisinière. Outre les 7 pensionnaires internes, Madame Vauquer avait, bon an mal an, 8 étudiants en droit ou en médecine et 2 ou 3 habitués qui demeuraient dans le quartier, abonnés tous pour le dîner seulement. Ces 7 pensionnaires étaient les enfants gâtés de Madame Vauquer, qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins et les égards d'après le chiffre de leur pension. Vous venez, Poiret ? Mademoiselle Michonneau. Je vous attends. la vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un crasseux abat-jour en taffetas vert qui aurait effarouché l'ange de la pitié. Son châle à franges maigres et pleurardes semblait couvrir un squelette, tant les formes qu'il cachait étaient anguleuses. Quel acide avait dépouillé cette créature de ses formes féminines? Était-ce le vice, le chagrin, la cupidité? Son regard blanc donnait froid, sa figure rabougrie menaçait. Monsieur Poiret était une espèce de mécanique. Il parlait, raisonnait, répondait, il ne disait rien à la vérité en parlant, raisonnant ou répondant, car il avait l'habitude de répéter en d'autres termes ce que les autres disaient. Ce qu'il avait été, mais peut-être avait-il été employé au ministère de la Justice, dans le bureau où les exécuteurs des hautes œuvres envoient leur mémoire de frais. Peut-être avait-il été receveur à la porte d'un abattoir ou sous-inspecteur de salubrité. Le beau Paris ignore ces figures blêmes de souffrance morale ou physique. Mais Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose d'inouï, oublié par les plongeurs littéraires. La maison Vauquer est une de ces monstruosités curieuses. Deux figures y formaient un contraste frappant avec la masse des pensionnaires et des habitués. Quoique mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose, néanmoins son visage n'était pas vieux, ses mouvements et sa voix étaient agiles. Elle était jolie par juxtaposition, heureuse, elle eût été ravissante. Le bonheur est la poésie des femmes, comme la toilette en est le phare. Son histoire eût fourni le sujet d'un livre. Son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, ne lui accordait que 600 francs par an et avait dénaturé sa fortune afin de pouvoir la transmettre en entier à son fils. Parente éloignée de la mère de Victorine, qui jadis était venue mourir de désespoir chez elle, Madame Couture prenait soin de l'orpheline comme de son enfant. La bonne femme menait Victorine à la messe tous les dimanches afin d'en faire à tout hasard une fille pieuse. Elle avait raison. Les sentiments religieux offraient un avenir à cet enfant désavoué qui aimait son père, qui, tous les ans, s'acheminait chez lui pour y apporter le pardon de sa mère, mais qui, tous les ans, se cognait contre la porte de la maison paternelle inexorablement fermée. Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le teint blanc, des cheveux noirs, des yeux bleus. Sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotaient le fils d'une famille noble où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans à favoris peints, servait de transition. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée, en disant « Ça me connaît !» Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les lois, les hôtels et les prisons. Il savait ou devinait les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées, ni ses occupations. Une réunion semblable devait offrir et offrait, en petit, les éléments d'une société complète. Parmi les 18 convives, il se rencontrait, comme dans les collèges, comme dans le monde, une pauvre créature rebutée, un souffre-douleur sur qui pleuvaient les plaisanteries. Ce Pathiras était l'ancien vermicellier, le père Goriot, sur la tête duquel un peintre aurait, comme l'historien, fait tomber toute la lumière du tableau. Peut-être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter à qui souffre tout par humilité vraie, par faiblesse ou par indifférence. N'aimons-nous pas tous à prouver notre force aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose ? Le père Goriot, vieillard de 62 ans environ, s'était retiré chez Madame Vauquer en 1813 après avoir quitté les affaires. Il y avait d'abord pris l'appartement occupé par Madame Couture et donnait alors 1200 francs de pension. Goriot vint, muni d'une garde-robe bien fournie, le trousseau magnifique du négociant qui ne se refuse rien en se retirant du commerce. Les yeux de la veuve Vauquer s'allumèrent quand elle l'aida complaisamment à déballer et ranger les louches, les couverts, plusieurs plats, enfin des pièces plus ou moins belles, pesant un certain nombre de mares et dont il ne voulait pas se défaire. Ces cadeaux lui rappelaient les solennités de sa vie domestique. « Ceci... » dit-il à Madame Vauquer en serrant un plat et une petite écuelle dont le couvercle représentait deux tourterelles qui se becquetaient. « C'est le premier présent que m'a fait ma femme, le jour de notre anniversaire. Ah, pauvre bonne, j'aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que de me séparer de cela. Oh. » Vers la fin de la première année, Goriot, qui avait souvent dîné dehors une ou deux fois par semaine, en était arrivé insensiblement à ne plus dîner en ville que deux fois par mois. Ces changements furent attribués autant à une lente diminution de fortune qu'au désir de contrarier son hôtesse. Une des plus détestables habitudes de ces esprits lilliputiens est de supposer leur petitesse chez les autres. Malheureusement, à la fin de la deuxième année, M. Goriot justifia les bavardages dont il était l'objet en demandant à Mme Vauquer de passer au second étage et de réduire sa pension à 900 francs. La veuve, qui en était venue à un tel degré de méfiance, voulut être payée d'avance, à quoi consentit M. Goriot que dès lors elle nomma le père Goriot. À l'entendre, cet homme était un libertin qui avait des goûts étranges. Voici sur quel fait la veuve Vauquer appuyait ses calomnies. Un matin, avant de se lever, elle entendit dans son escalier le frou-frou d'une robe de soie et le pas mignon d'une femme jeune et légère qui filait chez Goriot. Quand M. Goriot reconduisit sa dame, la grosse Sylvie prit aussitôt son panier et feignit d'aller au marché pour suivre le couple amoureux. En revenant, elle dit à sa maîtresse « Il faut que M. Goriot soit diantrement riche tout de même pour les mettre sur ce pied-là. Figurez-vous qu'il y avait au coin de l'estrapade un superbe équipage dans lequel elle est montée. » Un mois après cette visite, M. Goriot en reçut une autre. Sa fille, qui, la première fois, était venue en toilette du matin, vint après le dîner et habillée comme pour aller dans le monde. « Et de deux ?» dit la grosse Sylvie, qui ne la reconnut pas. « Vous êtes aimé des belles, monsieur Goriot. Peste, vous avez bon goût, elle était bien jolie. » »« C'était ma fille. » Quelques jours après, une autre fille, grande et bien faite, brune, à cheveux noirs et à l'œil vif, demanda M. Goriot. « Et de trois ?» Cette seconde fille, qui la première fois était aussi venue voir son père le matin, vint quelques jours après, le soir, en toilette de bal et en voiture. « Et de quatre ?» dirent Mme Vauquer et la grosse Sylvie, qui ne reconnurent dans cette grande dame aucun vestige de la fille simplement mise le matin où elle fit sa première visite. « Vous en avez donc 36, des filles ?»« Je n'en ai que deux. » Vers la fin de la troisième année, le père Goriot réduisit encore ses dépenses et monta au troisième étage. Sa physionomie, que des chagrins secrets avaient insensiblement rendu plus triste de jour en jour, semblait la plus désolée de toutes celles qui garnissaient la table. Durant la quatrième année, ils ne se ressemblaient plus. Aux uns, ils faisaient horreur, aux autres, ils faisaient pitié. Très bien. Elles ne viennent donc plus vous voir, vos filles ? Sa paternité mise en doute, le père Goriot tressaillit comme si son hôtesse l'eût piqué avec un fer. Elles viennent quelquefois. Vous les voyez encore quelquefois ? Bravo, père Goriot. Pour ces esprits étroits, comme pour ces jeunes gens insouciants, la sèche misère du père Goriot et sa stupide attitude étaient incompatibles avec une fortune et une capacité quelconque. Quant aux femmes qu'il nommait ses filles, chacun partageait l'opinion de Madame Vauquer. Si le père Goriot avait des filles aussi riches que paraissaient l'être toutes les dames qui sont venues le voir, il serait pas dans ma maison au troisième, à 45 francs par mois, et n'irait pas vêtu comme un pauvre. À son retour d'Angoulême, Eugène de Rastignac, qui venait faire sa deuxième année de droit, était dans une disposition d'esprit que doivent avoir connue les jeunes gens supérieurs. Pendant sa première année de séjour à Paris, Eugène avait eu le temps de goûter les délices visibles du Paris matériel. Eugène avait subi cet apprentissage à son insu, quand il partit en vacances après avoir été reçu bachelier en lettres et bachelier en droit. Ses illusions d'enfance, ses idées de province avaient disparu. Son intelligence modifiée, son ambition exaltée lui firent voir juste, au milieu du manoir paternel, au sein de la famille. Son père, sa mère, ses deux frères, ses deux sœurs et une tante, dont la fortune consistait en pension, vivaient sur la petite terre de Rastignac. L'avenir incertain de cette nombreuse famille qui reposait sur lui et une foule de circonstances inutiles à consigner ici décuplèrent son désir de parvenir et lui donnèrent soif des distinctions. Comme il arrive aux âmes grandes, il voulut ne rien devoir qu'à son mérite. Si d'abord il voulut se jeter à corps perdu dans le travail, séduit bientôt par la nécessité de se créer des relations, il remarqua combien les femmes ont d'influence sur la vie sociale et avisa soudain à se lancer dans le monde afin d'y conquérir des protectrices. Sa tante, Madame de Marcillac, autrefois présentée à la cour, y avait connu les sommités aristocratiques. Après avoir secoué les branches de l'arbre généalogique, la vieille dame estima que, de toutes les personnes qui pouvaient servir son neveu parmi la gent égoïste des parents riches, Madame la vicomtesse de Beauséant serait la moins récalcitrante. Elle écrivit à cette jeune femme une lettre dans l'ancien style et la remit à Eugène. Quelques jours après son arrivée, Rastignac envoya la lettre de sa tante à Madame de Beauséant. La vicomtesse répondit par une invitation de bal pour le lendemain. Telle était la situation générale de la pension bourgeoise à la fin du mois de novembre 1819. Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossir. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Premier épisode, avec Michel Vuillermoz, Christine Murillo, Jean-Claude Frissung, Clément Bresson, Françoise Gaziot, Laurence Roy, Jean-Luc Porraz, Henri Alexandre, Christophe Desposti, Stéphane Sestac et Ismaël Ruggiero. Bruitage, Elodie Fiat. Musique originale, Manuel Peskin. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.